بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Fait, on s'était arrêté, ou plutôt on était rentré dans Bab Jaza al-Walidain. Bab Jaza al-Walidain. Le chapitre concernant la rétribution des parents. On a pu voir à travers le hadith, le premier hadith que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a cité, il a évoqué dans ce chapitre-là, que al-Walad, l'enfant, il ne peut rétribuer le bienfait que ses parents ils ont eu envers lui que par une seule chose. Il n'a pas la possibilité de rétribuer les parents. Même si jamais il fait ce qu'il peut et il donne tout ce qu'il a pour les rétribuer, il ne pourra pas. Le hadith il commence comme ça. La yadzi waladun walida. L'enfant ne peut rétribuer les bienfaits que ont eu les parents envers lui. Summa istathna dhalika, il a évoqué un cas d'exception. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Excepté si jamais ses parents venaient être esclaves, comme c'était le cas à l'époque. Dans les périodes de guerre, certains ils ont été prisonniers de guerre, donc ils sont devenus esclaves. Thumma son fils il vient et c'est la cause de l'affranchissement de ses parents. Il achète ses parents à ces personnes-là qui les ont prisonnés et ensuite il l'affranchit. Et comme on a pu voir, le simple fait qu'il achète son père, il l'affranchit directement, c'est-à-dire la yamlikuhu. Certains ont dit yamlikuhu, à sahih c'est la yamlikuhu. Fayashtari, fayu'tiqahu. Le simple fait qu'il achète son père, qu'il achète, naam, eh ben, ça devient directement un affranchissement. Certains ont dit, il le possède. Non, il le possède pas. Le hadith, il dit, anta wa maluka li abik. Tes biens, ainsi que ta personne, sont à ton père. Yani, il a haq, yani, bitasarruf. Il a, yahtaja illa dhalik, parce qu'il a un besoin. Il a besoin que tu l'aides, il a besoin que tu lui viennes en aide, yani, financièrement ou bien physiquement. Il a haqq bidalik, il est plus en droit. Il est plus en droit sur tes droits et sur ta personne que toi-même. Comment il se peut que l'enfant possède le père alors que c'est le père qui le possède? Le hadith il est wadih par rapport à ça. C'est pour ça que l'avis qui est rajih, qui est prépondérant dans la mas'ala, c'est que le simple fait qu'il l'achète, ça fait de lui un affranchi. Les ulama ils ont évoqué pourquoi cette cause-là, le fait de l'affranchir, c'est une rétribution qui est égale au bienfait qu'ont eu les parents envers l'enfant. Car fait le haqqiqa, comme ils ont évoqué, yani l'esclave, lorsqu'il il a franchi, yani c'est comme si jamais on lui avait redonné vie. Parce que tous ses biens ne lui appartiennent pas, ça appartient au Sayyid, il ne peut pas faire une chose excepté dans, si jamais il demande l'autorisation. Lorsqu'il devient affranchi, il possède les choses, il a une totale liberté sur sa personne, c'est comme si jamais on lui avait donné vie après la mort. C'est comme si Al-An, après l'affranchissement, il vit maintenant, yani. Il peut s'épanouir de son argent, de sa liberté. Naam. Fadalika, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cela, qui a franchi son père, qui a été prisonnier, esclave de guerre, eh ben, son affranchissement sera équivalent au bienfait qu'ont eu ses parents, yani. Ils ont évoqué ici le père, car généralement, c'est eux qui sont confrontés à être, comment ça s'appelle, prisonniers dans les guerres, parce que c'est eux qui vont au front. La kin kaza les gars, ça s'applique avec la mère. Ça s'applique avec la mère et c'est beaucoup plus grand parce que le bienfait de la mère, ma'ruf yani envers l'enfant, c'est un bienfait qui est beaucoup plus énorme. Ce hadith-là, il nous montre, comme on a pu voir, awalan, que les bienfaits des parents envers nous, il est énorme. Et que l'insan, si jamais il est mujtahid, il fait les efforts, il est sérieux, ses vertus, à les rendre heureux, à faire en sorte qu'il soit heureux et épanoui, eh ben, il sera toujours considéré comme un muqassir, comme quelqu'un qui est négligent. Pas dans le sens où il est négligent, lakin, qui n'aura pas fait les efforts nécessaires pour cela, car tu ne peux pas, abadan, même si jamais tu fais tous les efforts pour cela, tu es le plus bon, tu ne pourras, abadan, jamais pouvoir rétribuer le bienfait qu'ont eu tes parents envers toi. La siyama al-um, le simple fait qu'elle t'a porté, le simple fait qu'elle a patienté sur la grossesse, ensuite l'accouchement, yani, c'est des bienfaits qui sont énormes, comme on va le voir dans le hadith qui va suivre, ou plutôt l'athar qui va suivre. Ça c'était même Bab al-Muraja'a. Qala rahimahullah ta'ala, قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي سعيد ابن أبي بردة c'est-à-dire c'est le fils de Abu Burda qui est Amir ibn Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه. Donc là c'est le petit-fils de الصحابي qui est Abu Musa. قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي donc le fils de أبو موسى قال أنه شهد ابن عمر ورجل يمني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهري يقول إن لها بعيرها المذلل إن أذرعت ركابها لم أذرع ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى donc là on voit bien يا ابن أبي موسى c'est-à-dire c'est le petit-fils de Abu Musa al-Ash'ari, yani al-Sahabi al-Mashhur. Qala inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma. Enfin, ce athar qui est authentique, la chaîne de transmission authentique de l'imam al-Bukhari jusqu'à Abu Burda, le fils de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, ce athar qui est authentique et attribué à Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Dans ce athar-là, Abu Burda témoigne d'une chose qu'il a vue. De Umar radiallahu anhu qui était avec un homme yémeni et cet homme là yémeni كان يطوف بالبيت il faisait le tawaf حول البيت إما عمراء إما حج فحمل أمه وراء ظهره il a porté sa mère yani cette personne yémeni qui était avec Ibn Umar radiallahu anhu dans le tawaf cette personne là yémeni a porté sa mère sur le dos برن لها afin d'être bienfaisant vers sa mère, d'être bon vers sa mère, afin d'épanouir sa mère, de la rendre heureuse. Ou peut-être que sa mère, Kazalika, elle avait besoin de qu'on la porte, parce que voilà, ça demande un istihad, ça demande un effort de faire tawaf. Et si jamais c'est une personne âgée, ça peut être une machaque, une difficulté pour elle. Comme on peut voir à notre époque, certains ils font le tawaf avec des chaises roulantes, certains ils sont portés sur des comment ça s'appelle des espèces de lits, il y en a qui utilisent pour le janaza. Enfin certains ils n'ont pas la possibilité de pouvoir y aller marcher, ça, et surtout entre pas il y a des bousculades, ils font pas attention les uns les autres. Enfin من الإحسان tu la portes sur ton dos ou bien sur la arabia, sur la chaise roulante, même si elle peut marcher la kin pour lui faciliter le tawaf. هذا من الرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ce hadith il dit que Allah Azza wa Jal il fait miséricorde à ceux qui se font miséricorde. Et ça c'est shan al-mu'min, c'est l'affaire de mu'min. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. Le Nabi عليه الصلاة والسلام il évoque l'affaire de mu'min dans la rahma qu'il y a envers les uns envers les autres. Il dit c'est comme un jasad. C'est comme un jasad. Yani tu prends soin de toi comme tu prends soin de ton frère. Enfin, il a pris soin de sa mère. C'est-à-dire ihsan allah afin de l'honorer, afin de l'épanouir. قال ويقول et en faisant son tawaf, كذلك قال كان يقول إن لها بعيرها المذلل. Je suis sa monture qui lui est soumise. C'est-à-dire si elle me demande une chose, sans problème, je la porterai sur mon dos. Sans problème, je ferai l'effort qui est demandé pour réjouir ma mère, pour lui faire plaisir. إن لها بعيرها بعير c'est le يعني c'est un تشبيه هنا. Et inni laha kal bahir, je suis pour elle comme le chameau, comme la chamelle, comme la monture. Tam al mudhallal qui est sahl, c'est-à-dire une monture qui est simple, une monture qui est assujettie à cette personne-là. Qala in udhra'at rikabuha lam udhra. Et ensuite il a montré yani à tel point il était soumis à faire des efforts pour sa mère. Et il dit wa in udhra'at rikabuha, et si jamais ses montures prennent fuite, si réellement tu elles prennent fuite, elles ne sont pas assujetties ni pour elles, et même moi, en tout cas, je suis là, je suis présent, et je réponds à l'appel de ma mère. Ça fait partie de l'ihsan, yani il a l'walida, c'est-à-dire qu'il est présent pour elle, et il aide surtout. Là, ça montre qu'elle était vieille, et lorsque les parents sont âgés, on se doit de redoubler d'efforts pour dans l'ihsan. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma » فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dans cette ayah, il dit lorsque tes deux parents ou bien un de tes parents atteignent l'âge de la vieillesse, ils ont besoin de toi. فلا تقل لهما اف. Yani tu me fatigues. Voilà, comme ils disent, ça me saoule de faire cela. Yani il n'est pas serviable. ta'ala. Wala tanharhum, c'est encore pire. Yani, il la rejette, il la repousse. Que ce soit par la parole ou bien par les, bras, par les, je veux dire le corps. Wa qul lahuma, et ensuite il a, nous a recommandé de dire des bonnes paroles. Qawlan karima, comme c'est le cas ici. Yani, il a dit une parole, si jamais la mère entend cela, je suis, pour toi, je suis comme une monture, c'est-à-dire que je suis là pour toi, disponible pour toi. Tout ce que tu vas me demander, je le ferai. Yani, c'est une parole qui est énorme, yani, qui fait que du bien, yani, si jamais le père ou bien la mère entend cela. قال وخذ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Telle est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les parents, la siyama notamment lorsqu'ils atteignent un certain âge, yani lorsqu'ils sont âgés. Fahawana tabbaqa al-ayah wa qul lahuma qawlan karima. Il a appliqué l'ayah qui incite à leur dire des bonnes paroles, comme c'est le cas ici. Thumma qala ya ibn Umar atarani aw atwarani jazaytuha. Ensuite, il a revenu Ibn Umar, radiallahu anhum, wa ni'ma fa'al. Il revient à Ahl al-Ilm, afin de savoir si jamais cette action qu'il a fait, c'est une action qui peut rétribuer le bienfait des parents envers nous. Car il a vu que c'était quelque chose, quand même, qui est énorme. Yani fi qalbihi. Yani hassa, il a senti que c'est cette action-là qu'il a fait, c'est une action, quand même, qui doit peser dans la balance. Lakin, est-ce que ça rétribue, est-ce que ça suffit pour rétribuer le bienfait de nos parents? Faqala lahu. Ibn Umar qala la, non. Thumma aada la wala bi zafratin wahida. Zafra, ils ont dit certains des ulama, zafra c'est le souffle, yani, que expirent les femmes lorsqu'elles veulent accoucher. Elle émet ces soufflements pour faciliter l'accouchement. Comme Ahmakan, yani, ça nous montre que lorsque la mère patiente, yani, par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement, c'est une chose qui est énorme d'Allah et Azzawajal. C'est pour ça qu'il a dit Ibn Umar, ton action n'est même pas l'équivalent d'une contraction ou bien d'un souffle, yani, qu'elle a expiré lorsqu'elle a voulu t'accoucher. Donc que dire, yani, après de Al-Ihsan, qu'elle s'est occupée de son enfant, de l'éducation, de la patience qu'elle a eue envers cela, de la tristesse qu'elle a lorsqu'il est malade, et il a fait, yani, parmi les étapes qui sont amenées les parents à vivre avec les enfants. Yani, ça demande un ijtihad, surtout la femme. Sur la femme, ça lui demande une patience qui est énorme. Et Allah Azza wa Jalla les a créés avec une patience qui est énorme. Je pense que le fait que l'enfant, lorsqu'il était dans le ventre, et petit à petit il a commencé à grandir, à croître, il y a une shafaqa, une rahma, un amour qui se lie entre l'enfant et la femme, qui n'a pas de semblable, et qui lui permet de patienter sur des choses, yani, dont un homme ne pourra pas patienter abadan. Ou du moins il pourra le faire, lakin ce sera difficile. Enfin, Allah Azza wa Jalla l'a placé entre la mère et la. Et l'enfant, une rahma qui est azima jiddan. Et cette rahma-là, on peut faire les actions qu'on peut faire. Le simple fait qu'elle a une contraction, le simple fait qu'elle a souffle expiré pour nous sortir du ventre, c'est pas l'équivalent. Il y a ces œuvres-là qu'on pourra faire, la bonté qu'on pourra avoir envers eux, ça, ce n'est pas l'équivalent de cela. Enfin, ça nous montre, il y a le statut des parents dans l'islam. C'est un statut qui est énorme, jiddan. Et que dire si jamais ensuite à te faire apprendre le Coran, à te rabbi'a la. Ça c'est encore beaucoup plus énorme. C'est encore beaucoup plus énorme. Enfin, le rôle des parents et le rang des parents dans l'islam, il est énorme. C'est pour ça qu'on se doit d'énormément les respecter, de les honorer, de faire attention à eux, des kazalikans yani nukafihim. On renvoie l'appareil, comme on dit. Enfin, lorsqu'ils sont vieux, kazalikans sont dans un état de daf, comme toi tu l'étais quand tu étais petit. Sans Allah et Azzawajal, ensuite tes parents. Eh ben, tu ne peux pas vivre, car tu n'as pas la possibilité de subvenir à tes besoins, excepté par l'aide d'Allah et ensuite de ceux de tes parents. Fakada les gars, lorsqu'ils sont vieux, on se doit de venir au service de nos parents, car ils ont un besoin énorme. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal est là, exhorté à ce qu'on redouble de rahma, on redouble d'attention envers nos parents lorsqu'ils sont vieux. Car kada les gars, ils ont besoin de l'enfant qui s'occupe de lui, comme eux sont occupés de lui quand il était petit. Pour ça, Allah a dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Il y en a qui ne l'oublient pas. Lorsqu'il était petit, il y a des choses qu'il ignore. Lakin, alhamdoulilah, qu'il grandit, que lui-même devient parent, et qu'il voit à travers son fils, il y en a les étapes par lesquelles ils sont passés, qui vont le permettre de bien simuler cette ayah-là, afin de rétribuer leurs parents et de s'occuper des parents comme il le faut. ثُمَّ قَالَ ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين. Comme ça c'est معروف, يعني les rites, يعني qu'il y a dans le hajj ou bien ça dépend de l'umra, à la hasab. قال ثم قال يا ابن أبي موسى. Et ensuite il a dit à Ibn Moussa qui était là, qui avait attesté de, du discours qu'il y a eu entre ce, cet homme yéménite et Ibn Umar. Ensuite il a avisé une parole, une recommandation. Ça c'est Shahn al-Salaf au Sahaba wa Tabirin. Hayatuhum fa, elle était dans le At-Tadakur, à se rappeler Allah Azza wa Jal, à se donner des cadeaux, les cadeaux qui sont les cadeaux ilmi, c'est-à-dire la science. Yuhdi ila akhi ma indahu min al-ilm, il fait des présents, il donne des cadeaux, c'est-à-dire le ilm, afin qu'il en profite. Enfin, il lui a donné une recommandation. فَقَالَ إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا. Là, sciemment, lorsque le moment est opportun, tu fais une action et devant toi tu vois quelqu'un, tu le rappelles d'une chose, même s'il connaît un tazkir. Un rappel, ça fait toujours du bien. Des fois, tu es là, tu sais que ça fait partie, cette œuvre-là, le fait de faire rak'atayn, ça fait partie des mukafirat. Lakin, là, tu n'es pas en train d'y penser. Fais là un tazkir qui te rappelle le bienfait de cette ibadah-là qui est. De manière générale. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna al-hasanat yudhibana as-sayyi'at. Les bonnes œuvres font, elles expient les mauvaises œuvres. Fa as-salawat al-khams, comme il est dans le hadith, et d'autres, parmi les ibadat, ce sont des expiations des péchés. Comme on a pu voir, idhajtunibat al-kaba'ir. À partir du moment qu'on s'écarte des grands péchés. Comme on dit subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu. Si vous vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdits, alors yani les œuvres méritoires seront des expiations de vos péchés, c'est-à-dire des petits péchés. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, donc il évoque, ça c'est la parole du Jumhur, qui dit que lorsque la personne aura fait un grand péché ou commis un grand péché et qu'il n'aura pas fait tawba de ce péché-là, et bien les œuvres méritoires ne seront pas une expiation de ces petits péchés. Jusqu'à ce que la personne y toube ilallah subhanahu wa ta'ala. Et ça prend trop dedans, comme on a pu voir, Siyam, yani Arafa, Siyam Ashura, qui sont des expiations d'une année ou bien de deux années. Ramadan, Ramadan, donc une année d'expiation. Salawat al-Khams, pareil. Yani, tout cela ne seront des expiations que si jamais nous faisons les ibadat, on accomplit les obligations et on s'écarte des grands péchés. Comme l'a dit l'imam Al-Qurtubi rahimahullah, bi'iqam al-fara'id wa istinab al-kaba'ir. Parce qu'Allah il dit dans, plutôt dans le hadith, il est dit Ramadan et Ramadan. Donc ça montre, yani, Ramadan et Ramadan, et pour celui qui aura accompli, qui aura jeûné le mois de Ramadan, qui aura jeûné ces deux Ramadan, enfin celui-là, entre cette période-là, ce sera une expiation. Amma, celui qui n'a pas jeûné, même s'il fait partie d'Ahl al-Islam, il n'a pas jeûné Ramadan et l'autre Ramadan, enfin ce ne sera pas une expiation, Abadan. La période qui est entre ces deux Ramadan-là ne sera pas une expiation, excepté pour celui qui aura accompli le Ramadan, qui se sera dégagé de cette responsabilité-là, de cette obligation-là, qui est d'accomplir le siyam Ramadan. Kazalika salawat al-khams, wa sahih ani mahrouf, celui qui dès la prière, kat kafara. Lui, kazalika salawat al-khams, ce sera une expiation que si jamais il accomplit salawat al-khams. Il prie le fajr jusqu'au dhuhr, tout cela sera une expiation. Et ainsi de suite pour les prières. Si jamais il a prié, c'est de prière là. Si jamais il a prié al-fajr, thumma yani akhara al-dhahr muta'ammidan, il le prie au moment du asr, muta'ammidan sans excuse, ensuite il prie l'asr, enfin il n'y a pas de mukaffirat là, il n'y a rien du tout. Awalan, parce qu'il n'a pas accompli l'obligation qui est al-dhahr, et thaniyan, parce qu'il a commis un grand péché, qui est le fait de laisser la prière. Enfin, lorsqu'on accomplit les obligations et qu'on s'écarte des interdits, plutôt des kaba'ir, enfin, les œuvres méritoires seront des expiations pour nos péchés. Comme l'a dit l'imam Qurtubi rahimahullah, et ça c'est en ajout parce que généralement on entend les ulama dire si jamais il s'écarte des grands péchés. Lakin kadalika, si jamais il accomplit les obligations. Si jamais il accomplit les obligations. Naam. Il a déduit de cela du hadith. Ramadan, il est Ramadan. Et pour celui qui a accompli le Ramadan, sinon, ce ne sera pas une expiation. Kadalika sawat al-kham, c'est l'akhir. Un istinbat qui est jayyid. قال إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. C'est une expiation des péchés qu'il y a devant lui. يعني des péchés qu'il aura commis. فسأ أثر الله أثر كعظيم. On y voit dedans le statut des parents. Et que l'insan يعني مهما اجتهد, il peut faire tous les efforts qu'il veut, il ne pourra jamais rétribuer ses parents vis-à-vis du bienfait qu'ont eu ses parents vers lui, excepté comme on a pu voir à travers le hadith de Abi Hurayra, si jamais il les a franchis, ben là, il les aura rétribués. Mais en dehors de cela, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras toujours muqassir. Donc ça nous demande de faire des efforts énormément. Que dire de celui qui est déjà muqassir, celui qui est négligent? Celui qui fait les efforts, fait le haqiqa, il sera négligent. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais les rétribuer. C'est un muhsin, là, qui est un muhsin qui ne pourra jamais atteindre la rétribution. Donc que dire de celui qui est négligent, et encore pire, que dire de celui qui est malfaisant vers ses parents? Enfin, ah ouais, ça c'est une... C'est une ronkouba karadim. Ne rentrera pas au paradis celui qui est malfaisant vers ses parents. Et le bien des œuvres méritoires qui sont des expiations. Et on voit qu'avec l'application et comment les tabi'in as-salaf s'évertuaient à faire le bien et à se conformer au kitab. Enfin, ils ont, comme on peut le voir là, il a évoqué une belle parole pour sa mère. Qawlan karima. Une parole généreuse, c'est une parole qui est honorable ce qu'il a dit là. C'est un athar qui est azim jiddan, qui nous montre que l'insan ne peut pas rétribuer ses parents. Wala bizafaratin wahida. Ne serait-ce qu'une contraction, c'est pas suffisant.